Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 9e émission. Samedi 4 août 1945, 13h20, 12e audience. Laval poursuit sa déposition. Ce n'est pas le même homme que la veille. Sa résolution est prise. Il ne tentera pas de se désolidariser du maréchal, mais au contraire, s'associera à lui dans une responsabilité commune. Comme le maréchal, il avait à faire face à des difficultés quasi insurmontables. Il refuse qu'on le considère comme le mauvais génie du maréchal. Alors vous me dites, la relève. Quand les Allemands me demandent de la main-d'œuvre, quel est mon devoir? C'est d'essayer de trouver une contrepartie, un avantage pour mon pays. Et je leur dis, si vous voulez des ouvriers, rendez-moi des prisonniers. À quoi le ministre ou le Gauleiter chargé de faire venir et sur quel ton la main-d'œuvre me disait, nous ne voulons pas vous rendre des prisonniers parce que vos prisonniers travaillent. Et si nous les rendons et que vous nous donniez des ouvriers, nous faisons un échange inutile. Mais je lui dis, puisque vous nous demandez des spécialistes, ceux-ci sont des ouvriers rares, des ouvriers utiles. Il les demandait, il les aurait pris. Alors je disais, donnez-moi des prisonniers. Et c'est ainsi qu'une fois, deux fois, j'ai obtenu 50 000 prisonniers. La relève, c'est un moyen dont disposait le gouvernement français pour essayer d'obtenir, en compensation des ouvriers qui partaient pour l'Allemagne, des prisonniers. Combien avez-vous envoyé de travailleurs pour avoir ces 50 000 prisonniers? Pour 150 000 travailleurs, nous avions 50 000 prisonniers. Je demandais naturellement un pour un. Cela va de soi. Pour autant que nos services soient précis, je crois qu'à cette époque-là, on avait dit qu'il rentrerait un prisonnier pour un ouvrier. La France a un gouvernement. La Belgique n'en a pas. Les deux pays sont occupés. Savez-vous quel est le pourcentage des ouvriers prélevés sur le monde ouvrier belge et transportés vers l'Allemagne? 80%. Savez-vous quel est le pourcentage des ouvriers prélevés sur les ouvriers français? 16%. Voilà la différence. Je vous ferai une observation. C'est que cette mesure qui a été nettement impopulaire était prise au passif de l'Allemagne. Tandis que quand le gouvernement français envoyait les ouvriers, cela avait plutôt le caractère d'une pression volontaire. Cela ne produisait peut-être pas le même effet sur le moral du pays. Je comprends, mais je vais vous répondre. Que ceux qui soient partis m'en veuillent, mais ceux qui par mon action, et ils sont plus nombreux, ne sont pas partis, ceux-là. Et quel était le devoir du chef? Était-ce de chercher la popularité pour lui ou de servir son pays? Je le servais en réduisant au minimum, du mieux que je le pouvais, les charges et le fardeau qu'on voulait faire peser sur ses épaules. Voilà le principe qui m'a déterminé à discuter avec M. Stockel, ministre de la main-d'œuvre dans les territoires occupés. Le maréchal était-il au courant des buts de cette politique de collaboration? Monsieur le Président, je n'ai jamais pris une mesure d'aucune sorte de cette nature. Sans en référer au maréchal? Non seulement sans en référer au maréchal, mais sans l'avoir discuté en Conseil des ministres sous la présidence du maréchal. C'est naturel. Nous verrons tout à l'heure qu'à l'occasion de ces départs massifs d'ouvriers, il y a eu une révolte dans la conscience nationale et que cette révolte a abouti, pour la plupart des ouvriers, à une sorte d'insoumission parfaitement honorable. la prise du maquis. Ces ouvriers qui refusaient de partir pour les besoins de la cause, on les qualifiait de terroristes. Nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions s'est organisée la répression de ces prétendus terroristes. Dans cette période de la relève, je note que les persécutions raciales se sont aggravées, notamment en juin et en juillet. Quelle a été l'attitude du maréchal devant cet accroissement de sévérité? L'attitude du maréchal, monsieur le président, était celle d'un honnête homme. Il s'est indigné, comme moi-même. Il a protesté. Nous avons protesté, inutilement et vainement. Protester et céder. Mais céder quoi? Les mesures raciales ont été aggravées par un gouvernement qui était un gouvernement français. Au début, il y a eu, en 1940, des lois qui ont été prises en effet. Le maréchal Pétain avait déclaré au moment de sa prise de pouvoir, le gouvernement reste libre, la France ne sera administrée que par des Français. Ces aggravations étaient bien au compte de la France. En juin et juillet 1942, j'ai noté qu'il y avait eu une aggravation dans la politique raciale, après votre retour. Oui, c'était précisément des menaces dont m'avait fait part M. Goering. Il ne m'avait pas dit « les mesures raciales », mais cela rentrait précisément dans le cadre de ces mesures de force contre lesquelles je voulais lutter dans la mesure de mes moyens. Qu'il s'agisse du débarquement anglo-canadien raté de Dieppe en août 1942, du sabordage de la flotte à Toulon le 27 novembre 1942, Laval explique que le maréchal et lui ont tout fait pour sauver des vies françaises. Dans la même période se place le franchissement de la ligne de démarcation le 11 novembre 1942. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là et quelle a été l'attitude du maréchal et que saviez-vous? J'étais à Munich ce jour-là, monsieur le président. Oui, mais le maréchal prétend qu'il aurait protesté, que vous êtes rentré de Munich et que vous avez modifié le ton de sa protestation. Il s'est borné à s'incliner devant les décisions qui avaient été prises par Hitler. Quand je suis arrivé à Vichy, j'ai fait part au maréchal de mon regret de la publication de sa protestation avant mon retour. Je lui ai dit que j'aurais aimé en conférer avec lui en tant que chef du gouvernement. Mais la protestation du maréchal était déjà partie et toutes les radios l'avaient dite et la répétaient de quart d'heure en quart d'heure. Voici exactement la situation et mes souvenirs sont très précis. Quels enseignements auriez-vous donné ? Je ne m'en souviens plus. À ce moment-là, la protestation était très courte. Donner des conseils, je n'en sais rien. Je ne sais plus lesquels. De calme, de pondération, éviter les incidents et les accidents. Un témoin a dit, il y a deux ou trois jours, le maréchal pouvait au moins se taire. Nous n'étions pas libres. Et le maréchal n'était pas libre. Le maréchal était parfois obligé de faire des déclarations parce qu'elle lui était demandée une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. Le ministre allemand venait frapper à sa porte en lui disant « Faites une déclaration !» Le maréchal me parlait de cette déclaration. Nous résistions. Et finalement, il était obligé de céder. Arrivons à la création de la milice et au choix du chef de cette milice. Il y a eu dans cette période des désignations de ministres qui peuvent paraître surprenantes. Il y avait notamment le ministre de la Propagande, Philippe Henriot, dont la tâche consistait essentiellement à invectiver contre les Anglais et les Américains. Quand il sortait de ce thème, c'était pour adresser des appels à la lâcheté en nous faisant savoir tous les dangers que nous encourions si nous allions au-devant de nos libérateurs. Dans quelles conditions ces ministres ont-ils été choisis? Et particulièrement M. Déa, que le maréchal avait fait arrêter 1 an et demi auparavant et qu'il a cependant pris dans son gouvernement. Dans quelles conditions Darnan, Déa, Philippe Henriot ont-ils été choisis? Est-ce avec l'assentiment du maréchal? Je vais répéter une chose que j'ai déjà dite bien des fois. Nous n'étions pas libres. En ce qui concerne M. Déa, nous n'étions pas libres. En ce qui concerne sa nomination, j'ai résisté pendant des mois. Un jour, j'ai dû céder. M. Déa est entré. Le maréchal m'a dit qu'il ne participerait pas au Conseil des ministres. En fait, le maréchal n'a pas eu à refuser, car M. Déa n'est jamais venu à Vichy. Déa vous a été indiqué par les Allemands. Philippe Henriot vous a été indiqué par les Allemands. Le maréchal Pétain et vous aviez une répugnance à les prendre. Mais vous les avez pris quand même. Et l'un et l'autre. Le maréchal Pétain, fatigué, demande une suspension. L'audience reprend après 3/4 d'heure. L'interrogatoire de Laval porte maintenant sur l'arrestation d'hommes politiques français, dont Reynaud, Blum et Mandel. Il a obtenu qu'ils ne soient pas fusillés, malgré un conseil de guerre à Alger qui avait condamné à mort un officier collaborationniste. C'est le gouvernement allemand qui a décidé de les déporter en Allemagne. Laval a discuté pied à pied, mais vainement. On en vient à la répression de la résistance et à la création des cours spéciales. En ce qui concerne le maquis, me dites-vous, eh bien, c'était le grand reproche qui m'était fait. Ma faiblesse. Je manquais de cran, d'énergie. Le désordre s'accentuait. J'ai réuni les premiers présidents et les procureurs généraux. Ce sont eux qui me conseillèrent de faire des cours martiales pour esquiver les responsabilités. Les jurés souhaitent poser des questions. Un premier, M. Germinal, veut savoir si le maréchal a approuvé la création des tribunaux d'exception. Nous étions contraints de lutter contre le maquis. Nous avons essayé de limiter la portée des mesures qu'ils ont prises. Le procureur général, resté silencieux jusqu'à présent, prend la parole. J'ai un document qui peut répondre à la question de monsieur le juré. Le voici. C'est une lettre du maréchal à Laval. Des mesures sévères devront être envisagées en ce qui concerne les perturbateurs de l'ordre public. Je vous ai dit depuis longtemps que je ne répugnais pas à la création des cours martiales pour juger les hommes ayant tué. Il vaut mieux en effet quelques exécutions spectaculaires que le trouble et l'émeute. Vous n'avez rien à ajouter? Je veux tout de même dire à monsieur le juré que je m'efforçais, même si je n'en rendais pas compte nécessairement au maréchal, d'atténuer ces mesures. La défense a-t-elle des observations, maître Isorni? Une précision en ce qui concerne les tribunaux d'exception du maintien de l'ordre. Je voudrais vous poser une question. Le décret qui les a institués n'a pas été signé par le maréchal. Sûrement pas. Il n'a pas été signé par le maréchal, car à partir d'une certaine date, je crois que c'est après le 13 novembre 1943... Les pouvoirs de signature vous ont été délégués. Les pouvoirs de signature m'ont été délégués. Le maréchal avait à ce moment-là un message à faire passer. Il avait préparé un embryon de constitution. Il voulait lire ce message. Un incident assez grave s'est alors élevé entre lui et le gouvernement allemand. Il a reçu une lettre de M. von Ribbentrop, n'est-ce pas? En effet, cette lettre était inconvenante pour le maréchal, très désobligeante pour moi. Le maréchal ne signait pas ses papiers. Il n'en reste pas moins que le maréchal présidait le Conseil des ministres. Vous dites qu'il continuait à présider le Conseil des ministres? Absolument. Il était au courant de tout ce que je faisais d'important. J'avais avec lui des contacts tous les matins. Je lui rendais compte. Dans la mesure où je pouvais, je tenais compte de ses avis. Le maréchal était forcément au courant. Laval explique dans quelles conditions le maréchal et lui ont été emmenés en Allemagne, qu'il a refusé de voir Hitler et que c'est Brinon qui a été délégué au gouvernement sans avoir de mission du maréchal. Tout d'un coup, le maréchal frappe sur la table, il confirme. J'ai effectivement refusé toutes ces demandes. Laval poursuit son récit avec le départ pour Sigmaringen, où l'on sent bien qu'il n'était pas très à l'aise d'être logé dans le même château que Pétain. Il n'y reste guère, puisqu'il est envoyé le 13 décembre 1944 en Silésie. Décidément, fait-il remarquer, le 13 décembre est une date qui ne lui réussit pas. Puis, avant de quitter sous escorte cette salle du palais de justice où il reviendra dans 2 mois pour son procès, il fait une ultime déclaration, comme un défi. Si le défenseur devait me mettre en cause sur un point quelconque, j'aimerais, puisque je suis aussi un accusé, qu'il me le dise. Et s'il parle sur un point important et précis, sur un document par exemple, qu'il puisse profiter de ma présence ici pour que très librement et très franchement, comme je crois vous en avoir donné la preuve depuis hier, je m'en explique. Sur aucun document. Et aucun point précis. À ce moment-là, l'audition étant terminée, le témoin se retire. Le maréchal ne le salue pas. En venant expliquer que le maréchal était au courant, Laval a témoigné à charge. L'audience se poursuit, cette fois-ci sans Laval. La tension monte dans le prétoire. Un des jurés m'a demandé la lecture d'un document que nous n'avions pas trouvé. Le procureur Mornay lit un message du maréchal Pétain dans lequel il condamne De Gaulle et les alliés. Pétain nie tout accord ou tout plan d'action avec le général. La fin du message manque. Et qu'est-ce que cela ? C'est un message du maréchal ? C'est un document signé de la main du maréchal. Est-ce qu'il y a eu une suite ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a été prononcé ? Cela, par exemple, c'est trop fort. Quand on lit un document, on le lit en entier. Si vous lisiez tout. J'ai tout lu. Est-ce qu'il n'y a rien d'écrit sur l'enveloppe? Il y a document appartenant au docteur Ménétrel. Projet de message contre gaullisme. Avril 1942, jamais prononcé. Pas prononcé. Pas prononcé. C'est une affaire entendue. Mais méditée. Écrit de la main du maréchal. La tentation n'a jamais été un crime. Serait-on poursuivi pour avoir éprouvé une tentation? On peut avoir une tentation. Mais on n'y succombe pas. J'estime que des écrits comme celui-là, ce sont des actes. Cela prouve la faiblesse de votre accusation. L'acte, monsieur le procureur général, aurait consisté à le lire. Mais précisément, il a refusé de le lire. Ce n'est qu'un projet de message. L'acte a consisté à fixer ses pensées sur le papier de sa main. Pour ou contre, ce sera de la plaidoirie. L'incident a assez duré. À la demande d'un autre juré, et bien que Laval ait quitté le prétoire, le procureur général lit un autre document se rapportant au Conseil des ministres du 26 juin 1942. 4 jours auparavant, Laval avait prononcé à la radio, avec l'autorisation du maréchal, l'allocution contenant la fameuse phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Le bâtonnier païen s'y oppose, faisant remarquer qu'il eût mieux valu lire ce document pendant que Laval était là. Maître Isorni se dresse sur son banc. Pour être complet, monsieur le procureur général, vous pourriez peut-être lire à la prochaine audience le message adressé par le maréchal quand il était à la veille d'être emmené en Allemagne. Je le lirai, ou du moins j'y ferai allusion. L'audience est levée, elle reprendra lundi 6 août à 13h30. C'était le procès Pétain, Extrait choisi par Dominique Missica. Neuvième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledose. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Lodenbach. Maître le maire, Jean-Yves Berthelot. Maître Isorni, Laurent Cléry. Pierre Laval, Olivier Clavry. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.